Il resta chez lui, maudissant des lauriers, car il voulait tenir sa parole, et cependant, obliger Arnoux. Si je m'adressais à M. d'Ambreuse, mais sous quel prétexte demander de l'argent? C'est à moi, au contraire, d'emporter chez lui pour ses actions de houille. Ah, qu'il aille se promener avec ses actions, je ne les dois pas. Et Frédéric s'applaudissait de son indépendance comme s'il eût refusé un service à M. d'Ambreuse. Eh bien, se dit-il ensuite, puisque je fais une paire de ce côté-là, car je pourrais, avec 15 000 francs, en gagner 100 000. À la bourse, ça se voit quelquefois. Donc, puisque je manque à l'un, ne suis-je libre? D'ailleurs, quand des lauriers attendraient? Non, non, c'est mal, allons-y. Il regarda sa pendule. Ah, rien ne presse, la banque ne ferme qu'à 5 heures. Et à 4 heures et demie, quand il eut touché son argent, c'est inutile maintenant, je ne le trouverai pas, j'irai ce soir, se donnant ainsi le moyen de revenir sur sa décision, car il reste toujours dans la conscience quelque chose des sophismes qu'on y a versés. Elle en garde à l'arrière-goût, comme d'une liqueur mauvaise. Il se promena sur les boulevards et dîna seul au restaurant. Puis, il entendit un acte au vaudeville pour se distraire. Mais ses billets de banque le gênaient, comme s'il les eût volés. Il n'aurait pas été chagrin de les perdre. En rentrant chez lui, il trouva une lettre contenant ces mots. « Quoi de neuf? Ma femme se joint à moi, cher ami, dans l'espérance, etc. À vous. » Et un paraphe. « Sa femme? Elle me prie. » Au même moment, parut Arnoux pour savoir s'il avait trouvé la somme urgente. « Tenez, la voilà, » dit Frédéric. Et, 24 heures après, il répondit à Deslauriers. « Je n'ai rien reçu. » L'avocat revint 3 jours de suite. Il le pressait d'écrire au notaire. Il offrit même de faire le voyage du Havre. « Non, c'est inutile. Je vais y aller. »